et descendit ici bas sur la terre. Il affecta la crèche pour des trous. Oui, roi de roi, le fils des dieux très haut. Oh oui, c'est vrai, j'ai fait que c'est vrai. Il était créé, cela se fait. Que Jésus même, au bonheur suprême, la Bible me l'a dit. Oh oui, c'est vrai, je sais que c'est vrai. Il était créé, cela se fait. Que Jésus même, au bonheur suprême, la Bible me l'a dit. En tous les lieux portant la délivrance, faisant le bien guérissant, la souffrance, il pardonnait aux pécheurs repentants, bénissait, il bénissait jusqu'aux petits enfants. Oh oui, c'est vrai, je sais que c'est vrai. Il était créé, cela se fait que Jésus m'aime, en bonhomme suprême, la Bible me l'a dit. Oh oui, c'est vrai, je sais que c'est vrai. Il était créé, cela se fait que Jésus m'aime, en bonhomme suprême, la Bible me l'a dit. Il fut cloué sur la croix, méprisant de lui, juste saint, mauvais, pour moi coupable. Pour mes sauvés, son sang fut répandu. Amen. C'est pourquoi je mène le Seigneur Jésus. Oh oui, c'est vrai. Je sais que c'est vrai. Il était créé. Cela se fait que Jésus. Que Jésus m'aime, en bonheur suprême, la Bible me l'a dit. Oh oui, c'est vrai, je sais que c'est vrai. Il est écrit, amen, cela se fait que Jésus m'aime, en bonheur suprême, la Bible me l'a dit. Plus que vainqueur, il sortit de la tombe. Gloire à l'agneau divin, sauveur des mondes. Il règne. Il règne au ciel, intercède pour mon âme. Il vient bientôt me chercher, je promène. Oh oui, oh oui, c'est vrai. Je sais que c'est vrai. Il est créé. C'est là ce fait que je suis. Oh, yes, oh, yes, oh, yes, oh, yes, oh, yes, oh, yes, oh, yes, oh, yes, oh, yes, oh, yes, oh, yes, oh, yes, oh, yes, oh, yes, oh, yes, oh, yes, oh, yes, oh, yes, oh, yes, oh, yes, oh, yes, oh, yes, oh, yes, oh, yes, oh, yes, oh, yes, oh, yes, oh, yes, oh, yes, oh, yes, oh, yes, oh, yes, oh, yes, oh, yes, oh, yes, oh, yes, oh, yes, oh, yes, oh, yes, oh, yes, oh, yes, oh, yes, oh, yes, oh, yes, oh, yes, oh, yes, oh, yes, oh, yes, oh, yes, oh, yes, oh, yes, oh, yes, oh, yes, oh, yes, oh, yes, oh, yes, oh, yes, oh, yes, oh, yes, oh, yes, oh, yes, oh, yes, oh, yes aquí ya solo con esa mamá. Yeso, yeso, ay, yeso, no, I wanna say yes, no. Yeso, yeso, yeso, yeso, yeso, yeso, yeso, yeso, que le brebí y la vi en abundancia. Si, no pique, si, yeso, yeso, ay, yeso, con pesa, mamá. Yeso, ay, yeso, I wanna say. Yeso, ay, yeso, con pesa, mamá. Yeso, mamá. Et les donateurs de la vie en réalité. Gloire à l'agneau immolé. Il est effectivement venu donner la vie. Et nous recevons la vie en son nom, Jésus-Christ. C'est lui qui a le Fils. La vie. C'est lui qui n'a pas le Fils. N'a pas la vie. Recevons le Fils. Recevons la vie. Recevons l'esprit. Recevons la vie éternelle. Que cela nous change. Que cela nous influence. Que cela nous transforme. Fasse de nous les meilleures personnes que Dieu veut. Agréable à ses yeux. Conforme à sa parole. Marchant à sa volonté. Des étoiles dans ce monde. Des flambeaux brillants sur la terre. Représentant de Jésus-Christ. Des images de Christ. Par sa grâce, cela est possible. Père Céleste. Nous te rendons grâce, louange et honneur pour l'acte héroïque que tu as posé, mémorable, depuis que tu es descendu de ta gloire, tu es venu sur la terre pour répandre ton sang en faveur de nous les coupables, les indignes que tu as bien voulu sauver par ta grâce. Sois remercié et adoré pour cette grâce multiforme que tu as manifestée sur notre chemin et dont nous sommes les bénéficiaires, non pas par mérite, non pas par effort, mais parce que toi tu as décidé de tout faire pour nous et nous montrer le chemin que nous devons suivre dans l'amour. Conduis les pas de chacun. Nous voulons demeurer dans ta présence. Traite avec chacun ce soir. Je supplie au nom de Jésus-Christ. Traite avec chacun ce soir. Que la semence de ta parole, la cible s'enfémine. Trouve place dans nos cœurs, au fond de nos âmes, au plus profond de chacun, pour l'expérience du salut, le salut qui vient de Dieu. Sois notre guide et assiste-nous. Au nom de Jésus-Christ et pour ta gloire, nous prions. Amen. Nous allons lire la parole du Seigneur dans sa sainte Bible, par la grâce de Dieu. De Corinthiens, chapitre 6, le verset 1 et 2. Puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain, car il dit, au temps favorable, je t'ai exaucé. Au jour du salut, j'étais secouru. Voici maintenant le temps favorable. Voici maintenant le jour du salut. Bongo awa ezalibino kosala kosalana na ye mosala tokobondela bino ete boya mbangulu na nzambe pambati poete elobieti na tango ebongi na yokiyo mpe na mokolo na kobika na sungiyo tala tango ebongi ezali sasaipi tala mokolo na kobika ezali sasaipi. Hébreux chapitre 4 bayebelo mokapo ya minei le verset 1. Craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore, qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. Matthieu chapitre 25. Nous lisons ceci. Verset 10. Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle de noces et la porte fut fermée. Que Dieu bénisse la lecture de sa sainte parole. Et veuillez vous asseoir au nom merveilleux de Jésus-Christ, le bienveillant et puissant nom de Jésus-Christ, notre bien-aimé Sauveur. Bienvenue à la méditation de la parole de Dieu. Considérant que vous avez eu à la préparer, à méditer, à prier, à chanter, à adorer Dieu, à supplier le Seigneur, à chercher sa face, à vous repentir, à vous humilier. C'est ce que nous faisons pour préparer notre rencontre avec le Seigneur. Et le moment principal, le plus important, lorsque nous sommes dans la réunion de prière, c'est la prédication de la parole. C'est le moment où le ciel nous parle. Et chacun prête la meilleure de son attention. Que Dieu soit béni. Ce soir, après avoir vu la grande leçon de dimanche, donc le frère n'avait pas bien repris la pensée ici. Et j'ai vu que la même chose est allée finalement même dans l'audio. C'est pas quand, c'était comment. Comment commencera la bataille d'Armageddon? Là, c'était dimanche. On n'y revient pas maintenant. Je viens juste de remarquer qu'il y avait une erreur là-bas. Et que le technicien a relayé aussi de la même manière. Donc, quand débutera la bataille d'Armageddon, c'était le dimanche écoulé. Où on devait parler de cette pensée, mais on n'avait pas pu le faire, comme je l'avais dit à l'introduction de la prédication. Alors, même vous qui prenez note, corrigez aussi, parce qu'il y a une erreur ici, on peut l'avoir transmise partout. Et c'est ainsi qu'il nous faut toujours offrir la meilleure attention à la parole prêchée. Quand nous parlons, chacun doit accorder la meilleure attention. Parce qu'il y a des mots qui sont proches, mais qui ne signifient pas la même chose. Alors, il faut répondre en un mot. Quand débutera la bataille d'Armageddon, nous avons répondu clairement que c'est au milieu de la 70e semaine de Daniel, soit environ 3 ans et demi, environ 3 ans et demi après l'enlèvement de l'église. Ce qui n'a pas été en tant que nini, bitumba yango na armakedo et kobanda, n'a pas été en mukuse na kopese ya mezeleti, ezalinde na katikati ya posa tuku sambo ya Daniel, ezali kolobete mibu misatu na ndambu na sima na koneto lama, pembeni na mibu misatu na koneto lama. Quand est-ce que cette bataille commencera-t-elle? Ce sera après le scellement des 144 000. Ça c'est répondant d'après la parole révélée. Forcément après le scellement des 144 000, d'Israël. Na kotia mandanga na bankoto mukama tukubine na mine. Les 144,000 dont Apocalypse 7 et Apocalypse 14 parlent. Les alinde bankoto mukama tukubine na mine o ye moni seli mukapo sa. Quand ils auront reçu les sceaux de Dieu, c'est après ça. Les alibango kozwa kela mu na nzambe nde na sima na yango bitumbe ko banda. Quand est-ce que cette bataille d'Armageddon commencera? Tango nini bitumba yango na Armageddon ko banda? C'est après le déversement de coupe. Les sept coupes de jugement. Les autres seront déversées. Après le ministère de l'Éternel Moïse et Élie. Non. Comment cette bataille d'Armageddon commencera-t-elle? Il faudra d'abord, comme préalable, que le fleuve Euphrate soit asséché par la sixième coupe de jugement. Et cela donne accès au deuxième préalable, c'est que le roi du Nord viendra avec les rois de l'Orient, les Orientaux, pour aller envahir Jérusalem, envahir le pays d'Israël. Et pour réussir cela, il y aura une forte coalition avec tous les rois de la terre contre Israël, contre Jérusalem. Selon la prophétie de Joël, c'est Dieu qui rassemblera toutes ces nations-là. Mais il ne les rassemblera pas par son Saint-Esprit. Non. C'est Dieu qui va le faire. Qui va rassembler toutes les nations, comme c'est écrit dans Joël 3. Il les amènera dans la vallée de Josaphat, la vallée de jugement. C'est lui Dieu qui le fera. Mais le rassemblement de ces nations-là ne se fera pas par l'Esprit de Dieu. Selon le secret contenu dans la sixième coupe de jugement, il y aura trois esprits de démons. Des esprits rétrogrades. Des esprits comme Nicéens. Par référence au Concile catholique romain de Nicée. Ce seront des esprits trinitaires. Des esprits de démons. Semblable à des grenouilles qui iront fréquenter les rois de toute la terre, les influencer, le moindre, les agiter et les amener dans cette coalition pour le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant. Voilà des événements malheureux qui viennent et contre lesquels les efforts des humains ne feront rien. Parce que c'est du plan divin que c'est là-bas. Donc, le roi de toute la terre qui se sont livrés à la débauche avec Babylone la grande, il vient un temps sous la sixième coupe où ces rois-là de toute la terre seront pareillement rassemblés sous effet, sous impact, sous l'action des trois esprits des démons, des esprits trinitaires, pour se liguer derrière la Russie. Mais c'est Dieu qui permettra cela. C'est dans son plan que c'est déjà pris. On peut relire Apocalypse 16 ici. Verset 12 à 14. Oh, le sixième ange versa sa coupe sur le grand fleuve, l'Euphrate, et son eau tarit pour préparer la voie aux rois qui viennent de l'Orient. Jamais de notre histoire nous n'avons appris que les eaux d'un fleuve aient tari. na lisolo na biso ninga to botama botokola to yokate te mai penza e bale moko bo kaoka. Une catastrophe naturelle annoncée. Tala libebi moko ko sala mana moko. Les yeux des humains verront les eaux du grand fleuve, le célèbre fleuve, le Euphrate là que vous connaissez. Tarik. Et te miso batu na bomoyi, bakomona e bale oyo boyebi obo yokaka wana. Et ils pourront chacun donner l'explication qu'il voudra à ses frères. Mais les cercles de Dieu savent déjà maintenant sur terre. Avant notre enlèvement, que ce phénomène n'aura qu'une explication. C'est le versement de la sixième coupe de jugement. La science pourra aller fouiller, chercher à savoir quel est le motif. Et comme tout homme est menteur, il pourra même produire des arguments scientifiques. Mais leurs recherches ne leur permettront jamais de voir l'ange versant la sixième coupe. Il faut aller dans la parole pour voir ça. Regardez dans les domaines scientifiques comment ils sont égarés. Jusqu'aujourd'hui, quand ils développent la théorie de l'évolution contre la vérité de la création. Ils expliquent comment la vie a commencé dans l'eau. Par les êtres flasques. Les invertébrés. La vie a commencé dans l'eau par les algues. Et ça s'est développé jusqu'à la forme la plus évoluée de l'espèce humaine qu'ils ont dénommé l'Homo sapiens sapiens. Mais entre cette espèce la plus développée de l'espèce humaine, l'Homo sapiens sapiens, il y a avant lui un Homo sapiens. Mais entre l'Homo sapiens et l'Homo sapiens sapiens, ils établissent qu'il y a un chaînon manquant. Une espèce disparue. Parce que l'Homo sapiens tout court, ces formes de gorilles là très développées qui ont presque la forme humaine. Pour les doigts, ils ont les ongles, ils ont tout presque des bras, ils marchent debout presque comme ça, mais avec les doigts un peu courbés comme ça. Mais non, l'Homo sapiens sapiens, qui est l'homme moderne actuel, d'après la théorie de l'évolution, il a juste perdu les poils, hein, les poils nombreux qui couvraient les bras et les pieds, comme ça y est chez le gorille. Et lui, il a une peau qui n'a qu'à peine quelques poils, hein? Quelques petits poils imperceptibles presque. Voyez ça? Maintenant, entre les deux là, la science dit qu'il y a une espèce qui les a échappés, dont les traces ont disparu, dont ils n'ont pas les fossiles archéologiques. Ils sont fouillés partout, ils n'ont jamais trouvé. Là où il manque des réponses jusqu'à présent, les cercles de Dieu sont rentrés dans la parole révélée maintenant. Et ils savent, selon Genèse chapitre 3, le verset 14, qu'il y avait une espèce que le Créateur Dieu avait eu à maudire. Cette espèce-là n'était pas au départ un reptile. Mais cette espèce-là, c'était un bétail. Un animal du même genre que les gorilles. Mais selon Genèse 3, verset 1, le serpent était le plus rusé de tous les animaux que l'Éternel Dieu avait fait. Autrement dit, le serpent, l'ophidien, était le bétail le plus développé qui a pu même parler avec Ève. plus développé que les gorilles, les singes, les macaques et autres. Mais c'est ce serpent-là, l'ophidien. Dieu, au verset 14 de Genèse 3, a dit, parce que tu as fait cela, comme il est allé séduire Ève, parce que tu as fait cela, tu seras maudit tant que tout le bétail des champs. Zambé à l'obéla qui est. Kuna na jene sabuka po misatu mulo wazo mina mine yeti. Lokole yo salibu yipwete akenda kinde kwa zindisaka ewa. Yo lakela mima bekati na banyama nyosu. Le chien est un bétail. Mwa azali nyama. La chèvre est un bétail. Ntaba azali nyama. Le bouc est un bétail. Meme azali. Le cochon, le porc est un bétail. Ngulu, ngulu be azali nyama. La vache et le taureau, ce sont des bétails. Mwombe mwobali toa mwasi azali nde banyama. Et le gorille est un bétail. Mpe, chipanze pe azali nyama. Le grand chimpanzé là. C'est un bétail. Maintenant, l'ophidien en question, appelé le serpent ancien, il était aussi un bétail. Mais le bétail le plus rusé, le plus intelligent, le plus artificier de tous les bétails que le Seigneur Dieu avait fait. Zokande ophidien o babeni nyama o nyoka o yakala. Azala ki pe nyama lokola ba chimpanzé wana kasi ye mayela koleka mayela mabe koleka ba nyama nyoso baba. Parce qu'il s'est laissé utiliser par le diable qui était précipité du ciel. Il a servi de courroie de transmission du chaos satanique dans l'espèce humaine. Dieu a dit, parce que tu as fait cela, tu seras maudit dans tout le bétail. Tu te nourriras de poussière et tu marcheras sur ton ventre. C'est depuis cette malédiction-là que ce serpent qui était l'intermédiaire entre l'espèce animale et l'espèce humaine, le chaînon direct qui reliait l'homo sapiens et l'homo sapiens sapiens, et l'homo sapiens et l'homo sapiens sapiens, c'est depuis là qu'il a perdu sa forme. Et qu'il a été assimilé à des reptiles, hein, les gens de ces bestioles qui rampent, de ces bêtes qui rampent. Devenu inférieur en apparence au bétail. Que Dieu soit béni. Donc au moment où il devait entrer, s'il fallait entrer dans l'arche, la Bible a dit que toutes les espèces sont venues entrer dans l'arche de Noé. Les reptiles selon leur espèce. Le bétail selon son espèce. Je ne sais pas le serpent ancien, qu'est-ce qu'il était devenu. Il était entré en tant que qui. Un bétail maudit. Voilà une des questions. Mais au moins là où la science des humains n'arrive pas à savoir c'est qui ce chaînon manquant. Les aigles de Dieu savent déjà maintenant que c'est le serpent ancien qui était. Il n'était pas un reptile. Il était un bétail, dit la Bible. Pour dire que la science est toujours limitée, mais Dieu connaît parfaitement. Confiez-vous en Dieu et il résoudra mieux vos problèmes. Vous allez dans la science, ils ont des questions sans réponse. Vous allez auprès de Dieu, il répond à toutes les questions. Vous amenez votre dossier de santé auprès des médecins par la science. Ils résoudront partiellement vos problèmes. Parce qu'ils connaissent en partie. Mais Dieu connaît parfaitement. Il est seul capable de résoudre complètement votre problème. De résoudre durablement et éternellement. Qui voudrait bien faire confiance à la vérité de Dieu? Oh, que Dieu vous bénisse. Faites confiance à la vérité. Elle est crédible, elle mérite d'être crue. Dieu résout parfaitement nos problèmes. Il connaît plus que tous les savants. Dieu connaît plus que tous les docteurs. Docteur en théologie. Docteur en médecine. Docteur en lettres. Docteur en philosophie. Docteur en informatique. Docteur en herméneutique. Docteur en mariologie. Docteur en accueillette, maman, ma cambo, maman, malia. Et tout ça. Non, soit. Dieu connaît plus que chacun d'eux. Dieu connaît plus que tous ensemble. Faites confiance à son pouvoir. Il sait mieux résoudre nos problèmes. Sachez-le pas seulement maintenant, mais pour l'éternité. Alors, les hommes qui seront sur la terre à un moment donné verront les eaux du fleuve Euphrate sec. Les gens pourraient aller chercher les féticheurs pour demander l'explication. Les autres entreront dans les laboratoires des scientifiques de recherche pour voir à quoi ce phénomène pourrait-il être dû. Je vous assure qu'ils auront chacun de fausses explications. Parce qu'ils n'ont pas la révélation de la vérité. Et c'est à vous que Dieu a révélé d'avance ces choses. Lorsque ce phénomène naturel s'écoulera, que le fleuve Euphrate la voie sera préparée pour le roi qui vient de l'Orient. La Corée du Nord. La Chine. Le Japon. Le Japon. Voyez, tous ces pays-là qui sont là de l'autre côté. Seront drainés par la Russie. Alors, tout ça va favoriser le commencement de la bataille d'Armageddon. Mais l'événement central qui sera amorcer les hostilités malgré tous ces décors-là, c'est l'assassinat de ces deux prophètes. Lorsque les hommes décideront de mettre à mort Élie que Dieu avait enlevé sans passer par la mort. Tango bato bakokana amen. Kobomaka Elia, oyo nzambe anetola kimpote ye alekati na liwate. Et que Dieu a gardé là devant son trône tous ces siècles durant. Nzambe abateli ye kuna na ngwenne na. Et que dans sa fidélité, les parachutera du ciel. Pana bosembo na ye akikisi bango na mabele. Parce que l'Élie qui viendra avec Moïse, ce ne sera pas comme frère Branham, un homme né d'entre les nations, ayant son identité familiale et qui reçoit l'onction de l'esprit d'Élie. Ce sera l'Élie qui avait vécu à Tishbit, l'homme physique. Amen. Zokande Eliana Mosi, oye bakoya batatu limi bale oyo wana na ba muniseli mukapozo mina moko oye bakoya na Israel e kozala lokola ndekubrana matepate ndekubrana mazaki na mulimu na Elia katabota baki na baboti na mukilu kashowa ezali bobelo ya nzala kaya liboso wana na mabereko banda ko benga yete Elia mutu na tibishi azana lola ndenza bakitse na mabele e Moïse que Dieu avait connu à la mort secrètement sur la montagne Nebo à cause de sa désobéissance, et que Dieu avait enseveli lui-même dans son secret, de sorte que personne n'a pu retrouver sa tombe jusqu'à présent, et le même Dieu l'avait ressuscité dans son secret pour l'amener là au trône, très au ciel, le même Moïse sera sur terre. Akufaka likolo ya ngomba ye moko nzambe nde ayebaki ndenge nini akufaki nakokunda mutu moko te amona lilita na ye nzambe nde akunda ye ye moko nzambe asekwisaka ye atya ye na likolo bobele mosa yango nde nzambe akokikisa lisusu. Parce qu'il est écrit dans Apocalypse 11 que ces deux témoins là ce sont les deux oliviers qui se tiennent devant le Seigneur de toute la terre. Amen. Pate komami kuna na yemonisa limkaposo mina moko te Et le prophète Zacharie de l'Ancien Testament, en son chapitre 4, il avait eu à voir les deux solidiens. Ils existent depuis l'Ancien Testament. Ils sont mentionnés dans le dernier livre de la Bible. Et ils reviendront sur terre sous soleil. Vous voyez que ce sont des personnages comme surnaturels. Qui avaient vécu autrefois sous le même soleil. Qui avaient vaincu et la mort. Et la vie terrestre. Élie est allé au ciel sans passer par la mort. Moïse est monté là-bas au trône en passant par la mort. Mais par le chemin de la résurrection. Et les deux ont vécu pendant des millénaires dans la présence littérale de Dieu leur créateur. Comme étant les deux oliviers qui se tiennent devant le Seigneur de toute la terre. Et les deux personnages étaient descendus sur la montagne de transfiguration. Rencontrés sur cette terre Jésus le Christ. Pendant qu'il achevait sa mission, ils sont venus s'entretenir avec lui sur la mission de Golgotha, sur le programme du calvaire. Comment les choses allaient se passer? Ils l'ont encouragé. Moïse a dit, moi je suis le prophète qui a enseigné la loi. Et Élie a dit, moi je suis le prophète qui a enseigné la justice de prophète. Comment la parole doit être gardée justement? Et Moïse a dit, mon message c'est pour la dureté de la loi. Il n'y a pas de miséricorde. Celui qui passe mérite la condamnation. Mais nos espérances, moi et Élie, sont placées en ta personne. Toi Jésus-Christ. En tout cas, il faut accepter cette mission. Il faut absolument que tu le fasses. Car le salut de l'humanité tous les jours dépend de ta décision. Si tu acceptes d'y aller, c'est le monde qui sera sauvé. Y compris ta nation d'Israël. Si tu refuses de le faire, c'est l'ensemble de l'humanité qui sera perdu. Et Jésus a dit, oui, le Père vient de m'adopter. Je viens d'être adopté. C'est le moment. Je le ferai. Il n'y a rien à craindre. Que si peut-être j'acceptais d'aller mourir, il y a eu un retournement de situation et que j'aille m'éterniser dans la tombe. Je l'avais dit à mes disciples, vos frères, que je donne ma vie de mon propre gré. Personne ne me l'offre. J'ai le pouvoir de donner ma vie et j'ai le pouvoir de reprendre ma vie. Moïse et Élie ont dit Amen. Nous sommes convaincus que c'est la seule vérité. Et ce pouvoir, tu l'as. Maintenant, ici là, nous sommes ensemble. Allez-y. En ce temps, Pierre est saisi d'émotion. Que puis-je penser de ça? Alors, une nuit est venue. Et là, la voix est sortie. Celui-ci est mon fils bien-aimé. Écoutez-les. Quelle secousse. Et ils sont tombés par terre. On perdit momentanément connaissance. Et quand ils se ressaisissent, ils voient que Jésus seul. Dieu est le maître de l'univers. Amen. Il est celui qui contrôle tous les êtres. Personne ne peut lui proposer mieux que son propre programme. Vous savez que l'auteur de la proposition, Simon Pierre, quand il s'est ressaisi, il a oublié lui-même ce qu'il avait proposé. Il n'en a plus parlé. Savez-vous ça? En si peu de temps, Dieu lui a fait oublier tout ça. Il n'a plus évoqué ça. Vous savez, c'est à quel point vos projets humains sont éphémères. Ne leur donnez jamais plus de valeur que les projets divins. Que les programmes divins. Donnez plus d'importance au programme de Dieu. Le programme de Dieu est pour l'éternité. Ton programme à toi est de courte durée. Parce que tu es toi-même de courte durée sur la terre. Nous disons amen. Nous aimons la parole du Seigneur. Oh, aimons, c'est vérité. Aimons ça. Alors, comme le Seigneur le lui a fait oublier, alors dans les proverbes, il est écrit, dans le cœur de l'homme, il y a beaucoup de projets, mais c'est le destin de l'Éternel qui s'accomplit. C'est le projet de Dieu qui s'accomplit. Dans le cœur de l'humain, je ferai ceci, je deviendrai ceci, et puis je ferai cela. Ce qui doit se faire au final, c'est le programme de Dieu. Donnons plus d'importance à ça. Et voici son programme. Cette vieille et sainte Bible. Elle décrit tous les programmes de Dieu. Et vous voyez dans la prédication du dimanche, on a survolé un peu ce programme. De ce qu'il y a maintenant et de ce qu'il y aura bientôt et pour des années jusque dans l'éternité là-bas. Dieu de miséricorde est bon. Remarquez bien aimé. Verrons ce phénomène. Le fleuve tarira. Et quelle est la suite de la Bible? Euphrate tarira. Alors, on nous dit cela pour préparer la voie au roi qui vient de l'Orient. Vous voyez? Et ils viendront pour assiéger Jérusalem. Et donc, c'est Dieu qui permettra que les esprits des démons les utilisent dans sa vie. On dit ceci. Verset 13. Je vais sortir de la gueule du dragon, de la gueule de la bête et de la bouche du faux prophète, trois esprits impurs semblables à des grenouilles. Car ce sont des esprits des démons qui font des prodiges et qui vont vers les rois de toute la terre afin de les rassembler pour le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant. Après avoir dit cela au verset 16, on dit, et ils les rassemblèrent, ils, pluriel, qui vont les rassembler, pas l'Esprit de Dieu, mais les démons là, les trois démons, les esprits trinitaires, ils les rassemblèrent dans le lieu appelé en hébreu Armageddon. C'est exactement ce qui va se passer. Or, quand on dit qu'ils vont auprès des rois de toute la terre, ici dans Apocalypse 17, il est écrit ceci, Apocalypse 17, versets 1 et 2. Puis un des sept anges qui tenait les sept coupes vint et il m'adressa la parole en disant, viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. C'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à la débauche. Et c'est du vin de sa débauche que les habitants de la terre se sont enivré. Moko na bonje yango sambo. Ba oyo bazalaki na mbeki yango sambo. Ayeyi kosolola karanga ete yaka. Na kotali sayo ikateli ikatemeli mwashi monene na pite oyo avandi na mayi mingi. Oyo bakonzi na mokili basili na ye pite. Pe bavandi na mokili balangi na vinyo na pite na ye. Voyez les rois de la terre et tous les habitants du monde, ils se sont enivrés du vin de la l'impudicité de cette grande prostituée. Les rois de la terre, ils zombies de son vin. Le vin dans la Bible représente une révélation. Vous voyez maintenant, cette femme ici, la grande prostituée, avait aussi des révélations à partager aux habitants du monde entier, et dont elle a abreuvé les rois de la terre. Et quelle révélation donc il partageait au sujet de la divinité? Ces trois personnes en Dieu. Voilà le vin de son implicité. C'est la doctrine trinitaire. Qui est plus populaire que le message de l'heure. Elle est plus répandue dans le monde entier. Et la plupart des dirigeants politiques sont dedans. Ils se nourrissent de ça. Quand ils vont dans les églises, ce qu'ils ont comme pensée d'église, c'est ça. Ce sont les églises trinitaires. Donc les rois de la terre se sont enivrés de ça. Ils ont donné du soutien aux actions de cette doctrine. Est-ce que jusque chez nous ici, ce n'est pas la mère de la Trinité qui est en train de manipuler le pouvoir? Même ici chez nous en RDC. N'y a-t-il pas une influence? Bon, c'est de la très haute politique, hein. Ils les avaient eu un de leurs à la tête du cabinet du président de la République. Leur seigneur qui était là-bas. Et puis il est mort. Et puis les agitations ont repris. Oh, l'histoire des CENI et tout ça. Mais ça n'avait rien à voir avec la CENI, parce que la CENI est toujours là avec les mêmes animateurs. Au dehors, on parlait des CENI comme des raisons politiques. Mais au dedans, le vrai motif, c'était quoi? Gratuité de l'enseignement primaire. Et il y avait une manne qui était partie. Mais si on disait ça, la population, oh, wow, ils sont contre ça. On va aller tellement dire, le président de la CENI, fassez-nous là. Oh, c'est le tribalisme. Mais il est toujours là. Pourquoi ils se sont tués? La personne qui ne voulait pas est toujours là. Pourquoi ces gens se sont-ils tués? L'argent est en transfert. Ce qu'il réclamait nuitamment a été riche. On a fixé un peu de montant et tout. Vous payez quelque chose. Et voilà. Bon, nous disons que c'était, on veut des élections transparentes et tout ça. C'est le motif visible dehors. Hein? Si on les dit crément comme ça que nous réclamons et arrêter la gratuité. Oh, les gens vont se soulever contre nous. On va brûler nos paroisses. Regardez frère, les rois de la terre se sont livrés à l'impudicité avec cette grande prostituée. Et les habitants de la terre se sont enivrés du vin de son impudicité. C'est la doctrine trinitaire prétendant qu'il y aurait trois personnes en Dieu. Dieu vous assure que ça, c'est un venin mortel. Dans la prédication, le trône de miséricorde de jugement. Frère Branham vous dit, ainsi dit le Seigneur. Le trinitarisme est du diable. Les voilà ici dans Apocalypse 16. Voilà encore Apocalypse 17. C'est satanique. Il faut avoir les yeux d'aigle pour lire. Hein. Le mot Trinité n'est pas dans la Bible. Vous vous direz, mais vous avez quelle base on dit Esprit le Seigneur? La révélation est écrite des fois entre les lignes de la Bible. L'on dit qu'il y a eu la sixième coupe déversée sur le trône de la bête. Non, sur le fleuve Euphrate. Et son nom tari pour préparer la voie au roi qui vient de l'Orient. Juste après ça, il voit sortir de la gueule du dragon. C'est un titre, une fonction. De la gueule de la bête, un titre, une fonction. Et de la bouche des faux prophètes, un titre, une fonction. Ça fait combien? Trois. Et qu'est-ce qui est sorti de là? Trois esprits impurs, semblables à des grenouilles. Trois esprits impurs, semblables à des grenouilles. Voyez la grenouille? La voilà. Ça, ce sont des yeux de la grenouille. Ça ne regarde pas devant comme les yeux de la grenouille. Ici, ça regarde derrière. Et les trois esprits étaient semblables comme ça. Au lieu de regarder en avant où Dieu nous invite, les yeux exorbitants comme ça sur les côtés et qui regardent derrière. C'est une doctrine qui n'a pas de base dans l'éternité de Dieu ou l'église de Dieu doit aller, mais c'est une doctrine qui a des références au concile de Nicée en arrière là-bas, dans l'histoire de l'église. Donc les yeux de ces trois esprits étaient rétrogrades, regardés en arrière au conseil de Nicée. Au lieu d'écouter la parole de l'heure, ils regardaient toujours vers le conseil de Nicée. Les décisions qui étaient prises là-bas, la doctrine qui était adoptée là-bas. Ils avaient décidé de morceler Dieu en trois. L'un morceau appelé Père, l'autre morceau appelé Fils, l'autre morceau appelé Saint-Esprit. C'est au concile de Nicée en France qu'ils ont fait ça. En l'an 325. Et voilà les démons qui avaient tenu ce grand concile. Au temps de la fin ici, dans la prédiche, ils ressurgissent. Trois esprits. Et c'est l'esprit des démons. Trois. Et il paraît auprès du roi de toute la terre. Ils entrent au palais royal ici. Au palais royal là-bas. Ils entrent au cabinet du président. Ils influencent les directeurs de cabinet. Ils vont là-bas, contact ici. Ils vont là-bas. Des démons. Qui vont sillonner tout le cabinet. Les sièges de pouvoir politique dans le monde. Pour les inciter au rassemblement. Contre Israël. Mais c'est Dieu qui permettra cela dans sa volonté permissive. Et il fait ça pour que eux viennent comme ses ennemis. L'esprit de Dieu combattra dans Judas. Voilà la différence. Dieu, il est un grand metteur en scène. Comme nous l'avons dit, ça demeure vrai. Quand ce grand combat va se déclencher, de quel côté Dieu sera-t-il? Pas du côté de tous ces rois de la terre avec le roi du Nord allé de la Russie. Rien du tout. Mais Dieu combattra. Ici dans Zacharie 12. Il est dit. Zacharie chapitre 12. Zacharie mukapo yazom na mibali. Verset 5. Zela kotanga mitano. Non, verset 4. Mulongo ya minei. À 7. Kino na sambo. Il dit, en ce jour-là, dit l'Éternel, je frapperai d'étourdissement tous les chevaux et de délire ceux qui les montent, qui les monteront. Mais j'aurai les yeux ouverts sur la maison de Juda. Quand je frapperai d'aveuglement tous les chevaux de peuple. Yahweh alobi ete na mukolo yango na ko beta bambalata nyuso na ko kamwa mpe batamboli ba oyo ba kotambola kali kolo na yango na zoba. Na ko zipola miso na ngai dikolo na ndako na Yuda mpe na ko beta mbalata nyuso na mabota na kozimana na miso. Les chefs de Juda diront en leur cœur: les habitants de Jérusalem sont notre force, parti par l'Éternel des armées, leur Dieu. Bongo bikola na Yuda bakola bana mitema na bango ete bavandi na Yerusalem bazali ndengu na ngai po na Yahweh na Bibele Nzambe na bango. En ce jour-là, je ferai des chefs de Juda comme un foyer ardent parmi du bois, comme une torche enflammée parmi les chèvres. Ils dévoreront à droite et à gauche tous les peuples d'alentour. Et Jérusalem restera à sa place. Amen. À Jérusalem. Amen. Amen. Amen. Amen. Mpe lokola esungi na moto kati na mibimba na masango. Mpe bakoziki sabati nyoso bazali kozingela kabango epai na mobali mpe epai na mwasi. Yerusalema kofanda lisusu na isika na ye. Hey, kati na Yerusalema penza. L'Éternel sauvera d'abord les tentes de Juda, afin que la gloire de la maison de David, la gloire des habitants de Jérusalem, ne se lève pas au-dessus de Juda. Yahweh akolongu sempe ema na Yuda liboso. Ete, kembo na ndako na Dawidi mpe kembo na bavandi na Yerusalema, ipumi samarikolo na Yuda te. Et puis dit au verset 9, na mulongo liboso. En ce jour-là, je m'efforcerai de détruire toutes les nations qui viendront contre Jérusalem. Na mukolo yango na komeka ko bebi saka babota nyonso makoyela ka Yerusalema. Ete voilà. Dieu dit qu'il s'efforcera de détruire. Et il le fera effectivement. Détruire toutes ces nations qui viendront contre Jérusalem. Ça montre que Dieu combattra du côté d'Israël et non pas du côté de la Russie, du roi du Nord. Rangez-vous du bon côté chaque fois. Et le côté de Dieu est le meilleur. Que Dieu t'aide à comprendre cela définitivement. Le côté de Dieu est toujours le meilleur. Assurez-vous qu'il en sera ici. Dans Jérémie au chapitre 30, écoutez ce que Dieu dit. Verset 10 et 11. Et toi, mon serviteur Jacob, ne crains pas, dit l'Éternel. Dieu rassure les tiens. Ne te plains pas, Israël, car je te délivrerai de la terre lointaine. Je délivrerai ta postérité du pays où elle est cachée. Jacob reviendra, il jouira du repos et de la tranquillité, et il n'y aura personne pour les troubler. Dieu a-t-il délivré Israël déjà? L'écriture sur la miracle. Israël est déjà revenu dans son territoire. Est confirmé. Il ne doit pas avoir peur. Mais la chose qui reste dans son verset, qui n'est pas encore réalisée, c'est qu'il n'y ait personne pour les troubler. Jusque-là, ils ont toujours des gens pour les troubler. Après Yasser Arafat qui est mort, il y avait Mahmoud Abbas. Et maintenant il y a encore les Hamas des Libanais là. Les mouvements terroristes. Qui continuent à provoquer et faire des choses tout le temps. Frère, ne craignez pas tout ça. Nous nous prions pour la paix de Jérusalem. Et Dieu nous exauce. Dieu réalisera son dessein. Cette Bible s'accomplira mot à mot. Tous ces phénomènes s'éteindront. Oh les Hamas. Oh Hamas. Oh les Palestiniens. Oh, Palestiniens. Oh les ceci. Oh Benabou. Ils vont s'éteindre. Il n'y aura personne comme Dieu a prévu pour troubler Israël. Imaginez, pendant que les nations votent des sanctions contre Israël à travers l'ONU. Tout une panoplie de résolutions contre Israël depuis l'histoire de notre pays. Jusqu'à l'établissement de poids d'un État terroriste. Mais on n'arrive pas à appliquer tout ça. À cause du bouclier américain. Des fois, il y a un surnaturel, il y a un canon naturel. Il y a une barrière, il y a un canon. Il y a un canon, il y a un canon. Parce que tu es dedans. Amen. Maintenant imaginez, pendant qu'ils continuent à former des projets, ils en formeront encore d'autres. Dieu a déjà prévu qu'Israël n'aura personne pour les troubler. Tout cela qui s'amuse à les troubler, ils savent même pas que leurs jours sont comptés. Et que leur avenir est néant. Un jour bientôt. Ils seront effacés de la terre. Ils ne les savent pas. C'est ainsi qu'ils se croient intelligents pour continuer à concevoir des complots. Mais la parole ici va s'accomplir. Jacob reviendra. Il est déjà revenu, c'est vrai. Il jouira du repos. Le repos n'est pas encore total. Et de la tranquillité. Ça se fera littéralement. Et il n'y aura personne pour les troubler. Parce que l'Église dit sincèrement Amen. Et le Dieu d'Israël, c'est le Dieu de l'Église. Les choses qui sont promises à Israël, nous en sommes aussi déjà bénéficiaires. Il n'y aura un jour personne pour nous troubler. Quand nous aurons terminé notre bataille et que nous aurons défendu la concession royale d'Abraham, nous aurons du repos pendant 1000 ans. Et après les 1000 ans, le diable nous troublera encore un peu, mais ça n'aura pas d'effet parce que nous serons dans le corps immortel. Amen. Nasima ya bokonja koto moko boko tikana no sabulu pwete ya tungisa lisusu mwa mke kasi biso to kozala na banzoto e kufaka lisusu te na bongo e kozala elo kote pona. Et nous aurons la paix éternelle. Tete kozala na kimio na sekonde. Nous serons des immortels. Toko kufa lisusu te. Totalement des invincibles. Yete oyo bako ki bolonga lisusu te. Ayant des corps glorifiés. To sili kozonzo to ya kembo. Donc nous n'aurons personne en face pour nous troubler vraiment les bandits. Il dit maintenant au verset 11. Car je suis avec toi, Dieu parle à Israël. Et lors de la bataille d'Armageddon, Dieu sera avec Israël. Car je suis avec toi, dit l'Éternel, pour te délivrer. Et écoutez ce qui est plus fort. J'exterminerai toutes les nations parmi lesquelles je t'ai dispersé. Amen. Là où, au moment de leur dispersion, ils se sont retrouvés. Les Israélites. Dieu annonce l'extermination de ces nations-là. Natamu oyo bana na Israel ba palangana ka mukili mudimba oyo. Nzoka nzambe azal ko lobete mabele nyuso bango ba lekati wana. Nzamba ko sisa bango nyie. Et votre nation la RDC? Namboko na RDC le susu. Les Israélites ont-ils été ici? Bazalaki ou? Bazalaki. Jusqu'au dernier, il existait. Là, c'est un frère. Les magasins que vous avez connus ici, là, c'est un frère. Magasin, oui, Zalaki a son frère. Elle a son. Et son frère. Elle a son nom de Konaï. Ils auraient fermé pendant, à cause de la réalité du pays. Bazaki Bayouda. Qui traînait encore parmi les nations. Bazaki n'a pas été. Comme il y en a qui traînent encore aux États-Unis, à All Street Center. Ils sont dans les affaires. Sont des juifs. Comme Zelensky, dont on parle dans l'actualité, le président de l'Ukraine. Il a une origine juive. Mais le voilà à la tête de l'Ukraine. Un ancien pays membre de l'URSS. Et que la Russie veut récupérer et réintégrer dans la fédération. En tout ou en partie. Imaginez. Mais à la tête, il y a un juif réfugié là. Il n'est pas encore retourné à Jérusalem. Il est encore en train de traîner. Partout où ces juifs se retrouvent, hein, Dieu l'a dit, c'est dans la Bible. Vous êtes dans la prophétie RDC, vous figurez ici. Parce que les Juifs ont été dispersés même parmi vous. Vous aurez la frappe. Achetez même 250 hélicoptères russes. Même 300 000 Sukhoi 25. Vous parlez du Rwanda et de l'Ouganda. Les Juifs n'ont-ils pas été là? Et même les Tutsis ne se considèrent-ils pas comme des frères des Juifs? Dans leur discours d'auto-victimisation, ils racontent partout, génocide des Tutsis, on nous a tués, nous sommes une minorité écrasée, alors nous avons droit à la protection. Ils ont parlé, ils se sont fait écouter par tous ces petits blancs et tout. Pendant que nous, on dansait les ndombolo. Ils sont allés se faire écouter là où il y a des décideurs du monde. Et si on est dans les boissons alcooliques et les concerts au Congo. Rwanda sera exterminé. Rwanda Uganda pareillement. Uganda Bongo. Afrique du Sud, même chose. Voyez toutes les nations où ils ont été dispersés. Je ne vais pas donner toute la liste. La prophétie biblique prévoit que ces nations seront exterminées. Dieu n'a pas dit qu'il choisira qui ne sait pas. C'est pas écrit comme ça dans la prophétie biblique. Il n'est pas écrit qu'il va choisir Ngamba ni Kanana. La prophétie biblique dit que l'Éternel choisira encore Jérusalem. N'écoutez pas les faux prophètes qui vous embrouillent, qui vous égarent. Dieu a son plan et c'est cette Bible. L'Éternel choisira encore Jérusalem. Même si aujourd'hui on semble minimiser, mais il y a un temps, ça sera la ville du grand roi comme il est écrit. Le grand roi trônera là-bas. Établira son trône là, à Jérusalem. Et il gouvernera le monde entier. le temps vient. Tango yamba nezali koya. Les Illuminati, les rouges chrétiens, les Maïkaristes, Maïkari, tout ça ce sont des sectes vouées à la disparition. C'est une perte de temps. Cherchez le royaume de Dieu. Répentez-vous de vos péchés, de vos péchés. Dieu aime le monde jusqu'à présent. Il a donné son fils unique afin que quiconque croit en lui, qu'il ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Habitants de la terre, cherchez le royaume de Dieu. Ne vous confiez pas dans des histoires vaines, des théories mensongères et femelles. Venons à la parole éternelle de Dieu. Car je suis avec toi, Dieu éternel, pour te délivrer. J'exterminerai toutes les nations parmi lesquelles je t'ai dispersé. Mais toi Israël, je ne t'exterminerai pas. Distinction. Je te châtierai avec équité et je ne peux pas te laisser impuni. Nzambe yawe na bibele alobi ete ngai nazali na yo elongo ete na bikisa yo mpo ete na kosilisa mabota nyonso wana na panzisi yo kasi na kosilisa yo te na kopamela yo na sembo mpe na kotika yo ete ozanga etumbu te. Verset 12. Okay. Ainsi parle l'Éternel, ta blessure est grave, ta plaie est douloureuse, nul ne défend ta cause. Mais actuellement, il y a les États-Unis qui défendent leur cause. Ça on n'en est pas encore arrivé à ce stade. Nul ne défendait, ne défendre la cause d'Israël. Maintenant, il y a les États-Unis d'Amérique qui défendent encore leur cause. Mais la Russie va neutraliser les États-Unis. C'est pour la prophétie de la parole. Le territoire américain sera incendié. L'ensemble de ce pays ne deviendra que des cendres, des cactus et des décombres. Non seulement la Californie va sombrer dans l'océan, mais tout le pays américain sera détruit. Et c'est la Russie qui le fera. Quand elle aura réussi cela, alors s'accomplira ce qui est écrit ici. Dieu ne défend ta cause. Toutes les nations seront contre Israël. Ça se vibra littéralement comme ça. Même la RDC, notre pays, beaucoup ça maté. Tous ces discours politiques là du moment qui nous flattent, qui nous font du bien. Oui, nous nous réjouissons. Mais au final, la RDC prendra position contre Israël. Ils seront derrière la Russie. Êtes-vous là? Vous allez voir, non? Déjà même là, ils font un petit jeu avec les Américains. Ils sont allés s'armer là-bas. Pendant que c'est l'Amérique qui devait fournir des armes. Mais ils traînent les pas pour laisser les chaos toujours à l'est là-bas. Alors ils sont allés, on a pris des armes. Et après quand on pose la question, ils ont démenti. Mais sur les terrain, les avions sont là. La politique. Politique. Notre pays prendra position contre. Vous verrez que tout va se passer comme ça. Alors, il dit, nul ne défend sa cause pour bander sa plaie. Tu n'as ni remède, ni moyen de guérison. Mais maintenant, sur la terre, nous avons encore l'église des nations qui défend, l'église des postes véritables, hein, qui défend la cause d'Israël. N'êtes-vous pas l'un d'eux? Amen. Ah, voilà, ma belle pas chaque vendredi pour Israël? Amen. Nous défendons leur cause. Amen. Amen. Nous disons que cette écriture, ce détail, nous n'en est pas encore arrivé là. Non, mais quand Dieu va nous enlever, et quand la Russie aura bombardé les États-Unis, qui défendra encore Israël? Il n'y aura plus personne. Alors cette prophétie va s'accomplir. Mais Dieu devra intervenir pour défendre Israël. Vous voyez, il dit au verset 14, tous ceux qui t'aimaient t'oublient, aucun ne prend souci de toi, car je t'ai frappé comme frappe, comme frappe un ennemi, et je t'ai châtié avec violence à cause de la multitude des iniquités et du grand nombre de tes péchés. Israël est passé par là. Israël est passé par là. Poète, Yahweh, alors, il y a eu, passe-t-il, yebi kobiki samate mpe mpota na yo ezali munene mingi moko mpona kolobela yo likambo azali te kokangama mpona mpota na yo ezali te kisi mpona kobikisa yo ezali mpe te ba onyonso balingaki yo babosani yo baluki yo te nzambi nabeti bango na mpota na moyini na etumbu na moto na koyoka mawa te mpo ete mabe na yo ezali munene mpenza mpe masumu na yo efuluki mingi le verset 16 et 17 molongo ya zomi na mosolo pendant tous ceux qui te dévorent seront dévorés. Voilà Dieu qui écrit à l'avance ce qu'il y aura. La Russie et les rois de l'Orient viendront pour dévorer. Et ils seront en alliance avec le catholicisme parce que ce sont les mêmes démons trinitaires qui seront en train d'animer tous ces gens-là. Pendant tous ceux qui te dévorent seront dévorés. Et tous tes ennemis, tous iront en captivité. Ceux qui te dépouillent seront dépouillés. Et j'abandonnerai au pillage tous ceux qui te pillent. Bon. Mais je te guérirai. Je panserai tes plaies, dit l'Éternel, car il t'appelle la repousser, cette Sion dont nul ne prend souci. Dieu lui-même doit rétablir la situation. Pe baini na yo nyonso moko na moko na bango bakokangama. Ba oyo bazali nde kopunza yo bakopunzama. Ba oyo bazali nde kobebisa yo na koyeisa bango eloko na kobebisama. Mpo ete nakubutisa nzoto makasi epai na yo yawe alobi boye. Na kobikisela yo mpota na yo mpo ete nabiangi yo bobwakami ete ezali siona moto te akolukaka ye. C'est vrai. Déjà même c'est un miracle qu'il soit redevenu une nation. C'est la main de Dieu accomplissant la prophétie pour le temps de la fin. Et comme il avait dit dans Jérémie 31. Hein? Nous le savons bien, c'est une prophétie phare accomplie sous nos yeux. Oh, il a dit ceci. Verset 8. À 11. Voici, je les ramène du pays du septentrion, du pays du nord. Je les ramène. Je les rassemble des extrémités de la terre. Parmi eux sont l'aveugle et les boiteux. Les femmes enceintes, la femme enceinte et celle en travail. C'est une grande multitude qui revient ici. Tala, na koya isa bango longwa na mokili na likolo. Na koya ngani saka bango longwa na ndelo na mosika na mokili. Kati na bango, bato bakufeli miso mpe batengumi. Mwasi na zemi mpe oyo azalinde kobota elango. E bolomu nene bakobuta wali. Grande multitude qui arrive ici à Jérusalem, au pays d'Israël. Dieu les a vus et prévus comme cela. Et c'est accompli littéralement. Ils se sont assemblés pour redevenir une nation. Ils viennent en pleurant et je les conduis au milieu de leurs supplications. Je les mène vers les torrents d'eau. Par un chemin uni où il ne chancelle pas. Car je suis un père pour Israël. Et Ephraïm est mon premier-né. Bakoya wana bazali kolela. Pena kokamba bango na mabondeni. Nako tambolisa bango pembeni na bibele na mayi. Na nzela alima wana bakota li bakute. Nzambi nazali tata epai na Israele. Nation, écoutez la parole de l'Éternel et publiez-la dans les îles lointaines. Dites, celui qui a dispersé Israël le rassemblera. Amen. Eh, ma bota, voilà qu'il y a un yahoui. Bossa pour la paix, un goût paï, na ma bongo, na maï, na moussika. Bolo baete, yahoui, a panzaki, isalele, a koyangani saka. Dieu l'a dit et il l'a fait. Zambe, aloba kimpe, a salena ki amou. C'est accompli, mes chers amis. Et si l'on a compris sa maka, bande konangai. Le même Dieu qui avait dispersé Israël. Bele nzambe, moka maka, et le même qui maintenant l'a déjà rassemblé. Et j'ai dit, bele nzambe, angomo komo kasinide kosangi saka bango. Mais il s'arrête pas là. Et il les gardera comme un berger garde son troupeau. Il Israël est encore là, sachez que Dieu existe. C'est lui qui garde son peuple là. Il les garde encore. Et il ne va pas l'exterminer. Il ne va pas l'exterminer. Il va protéger Israël. Écoutez. Boka. Israël attend la venue de ces deux prophètes. Et ils entreront effectivement en scène. Mes chers amis, quand cela se fera, ce sera terrible pour le reste des nations. Y a-t-il une certaine espérance que des gens soient sauvés après cela? Parmi les jeunes nations, je doute fort. Je doute fort qu'il en soit ici. L'on dit ceci. Dans les questions et réponses sur les sceaux. Frère Branham dit ceci. C'est le 24 mars 1963. Je prends la question 34. Question 34. Frère Branham, Branham, d'après ce que je comprends, Élie doit venir trois fois. Vous nous dites qu'il est déjà venu deux fois et qu'il reviendra. Or, la personne sur laquelle reposera l'esprit d'Élie sera-t-elle aussi du nombre de deux témoins, Moïse et Élie là-bas? La question de cette personne, c'est que d'après ce qu'elle comprend, Élie devait venir trois fois. Élie, mais trois fois par rapport à quoi? Et par rapport à quand? Alors, maintenant il dit, il est déjà venu deux fois. Et donc, la troisième fois, est-ce que c'est la même personne qui vient aux nations, la même personne qui sera du nombre de deux témoins, qui iront là-bas en Israël? Paragraphe 335 à 337, réponse. Non. Ce sera un homme des nations. Voyez-vous? Pour l'église des nations. Qu'en réalité, Élie vient cinq fois, pas trois. Cinq fois. Donc, au temps de la Bible, il est déjà venu trois fois. Premièrement, en tant que l'île de Schmitt. Deuxièmement, double portion de son esprit dans Élysée. Troisièmement, son esprit sur Jean-Baptiste. Amen. La quatrième fois, c'est sur le messager du septième âge de l'église. Notre bien-aimé frère William Branham. La cinquième et dernière fois, ce sera Élie lui-même de retour, ensemble avec Moïse, qui sont là au ciel maintenant. Ils viendront en Israël. Mais notre frère ou soeur qui a posé la question dit, d'après ce que je comprends, il vient trois fois. Bon, trois fois par rapport à quoi? Bon, si vous considérez les deux premières venues de son esprit en tant que l'homme physique de Tishvit, en tant qu'Élysée, vous mettez ça de côté pour le compte de l'Ancien Testament, alors Élie vient trois fois dans le Nouveau Testament, hein, à partir de Jean-Baptiste, et le messager du septième âge de l'Église, et le témoin qui viendra ensemble avec Moïse, après l'enlèvement de l'Église. Êtes-vous là? Alors là, Frère Branham dit, non, ce n'est pas la même personne qui vient aux nations et la même personne qui ira encore à Israël, pas comme ça. Ce sera un homme de nation, voyez-vous, pour l'église des nations. Et Frère Branham était un homme de nation. Ce que Dieu envoie, c'est toujours à leur propre peuple. Voyez-vous, il est venu chez les siens et les siens ne l'ont pas reçu. Il envoie toujours aux siens le message de l'heure. Quand Dieu a traité avec les Juifs, il n'y a pas eu de prophètes qui sont venus des nations. Et quand Dieu traite avec les nations, il n'y a pas de prophète juifs. Quand Dieu se tournera de nouveau vers les juifs, il n'y aura pas de prophète qui viendront des nations. Vous voyez ce que je veux dire? Très bien, après que l'enlèvement aura eu lieu. Voilà. Or, il y aura une période de chevauchement entre les deux, naturellement. Après que l'enlèvement aura eu lieu. Et il y aura une période de chevauchement. C'est aussi traduit par, il y aura un temps intermédiaire. Dans la traduction de Lausanne 6, c'est-à-dire, il y aura un temps intermédiaire après l'enlèvement. Donc, on ne se met pas à compter comme d'une minute à l'autre, d'un jour à l'autre, les 7 ans hein, de la 70e semaine de Daniel. Il y aura une période de chevauchement entre les deux, naturellement. En passant des messages à l'autre, il doit être introduit comme ceci. Comme je l'ai expliqué, vous voyez, comme Paul pour les nations, et ainsi de suite. Vous voyez, frère, donc, quand l'enlèvement se produira, le prophète Élie qui viendra aux Juifs, ce n'est pas le même personnage que Dieu avait utilisé pour les gens des nations. Mais je vous ai dit ici que c'est la même personne physique d'Élie le Tishbite qui est au ciel présentement. Amen. Il sera là dans son corps. Avec Moïse dans son corps. Mais quand le monde voudra toucher à ses besoins. Par le truchement de la bête qui monte de la mer. Et la bête qui monte de la mer, c'est le catholicisme. Il leur fera la guerre, les vaincra et les tuera, dit Apocalypse 11. Et on ne va pas leur délivrer le permis d'inhumation. Voilà. Ces êtres que Dieu a utilisés pendant des siècles. Et vous décidez, vous les gens du monde, de les humilier à ce point. Et quand ils les seront tués, ce sera une fête mondiale, dit la Bible. C'est un peu comme Halloween, comme Noël, des choses comme ça. On va distribuer même des cadeaux. À cause de ces prophètes mis à mort. Alors le monde va admirer la bête qui monte de la mer. Mais qui est semblable à elle? Qui peut combattre contre elle? C'est ce qu'ils vont se dire entre eux. Parce qu'ils ne connaîtront pas la vérité. Ils seront surpris. Dès qu'ils vont les mettre à mort. Et que les 144 000 qui viendront à peine de recevoir les sceaux de Dieu apprendront la chose. Ce sera le soulèvement populaire en Israël. Le fer de lance. Ce seront les 144 000 scellés. Imaginez un peu ce que représente pour vous les hommes mandatés de Dieu. Donc Dieu vous a fait grâce de comprendre la valeur et l'importance dans les programmes de Dieu. Mais qu'on vienne les humilier, les abattre, quelle pourrait être votre réaction? voyez ça? Maintenant, pour les 144 000, ils seront compliqués pendant des siècles, 2 millénaires environ. Le Messie était déjà venu, mais personne ne leur avait ouvert les yeux pour les reconnaître. Mais ce sera grâce à ces deux ministères élus que le voile qui longtemps pesait sur leurs yeux sera enlevé aux yeux pour qu'ils voient et reconnaissent le Messie. Mais pendant qu'ils seront dans la fête, que Dieu les ait consolés, qu'il les ait rassurés, qu'il les a pardonnés. Voir maintenant un système religieux avec des combines politiques venir lécher, massacrer ces deux prophètes. Non, les Juifs ne sont pas des fois comme nous les gens des nations. Nous sommes très contre en colère, mais nous gérons notre, nos humeurs. Ils sont pas comme ça. Et ils sont pas comme ça. Eh, bonjour, bonjour. Mais les Israélites, quand on a fait ça, leur colère, ils vont les manifester. Vous tuez nos prophètes, ceux qui nous ont rendu un tel service. Soulèvement. Et tout Israël sera emballé. Et la bête qui aura commencé la guerre contre les deux prophètes, elle va se frotter les mains. Mais on a vaincu même ceux-là qui faisaient des miracles, qui ont fait des choses et tout. Mais du coup là-bas c'est quoi tout ça? Toutes les nations sont d'accord avec moi ici. On va vous mater. Et la bête, ce sera un dictateur au cœur méchant, un cœur bestial. Kanza. Et à cette époque-là, comme il est prévu dans Daniel chapitre 9, écoutez même ce qu'il va faire, le dévastateur. Verset 27. Il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine, donc 7 ans. Et au milieu de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Voilà les choses qu'il va faire. Parce que c'est ça, on aura rétabli le culte au temple qui sera reconstruit à Jérusalem. La bête ici, il va décider que le sacrifice et l'offrande que les Israélites avaient repris au temple prennent fin. Ne faites plus ça. Suspendre les cultes. Les Juifs qui auront déjà les yeux ouverts grâce au ministère de Moïse et d'Élie. Il fera cesser ça. Le dévastateur, écoutez ce qu'il fera ensuite, commettra les choses les plus abominables jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fonde sur les dévastateurs. Ce dévastateur, c'est l'Empire romain. Et au format religieux. Mais c'est le catholicisme. Ils feront ces choses. Pour mettre des choses les plus abominables. Le pape qui sera en fonction, voilà les choses qu'il fera. Représentant du catholicisme. Et il va mener la guerre contre les 144 000. Et cela est conforme à ce que Dieu a prévu dans Apocalypse 13. Oh mes chers amis, la parole prophétique est merveilleuse. Dans Apocalypse 13 ici, il est dit ici, au verset 4, jusqu'au verset 7. Et ils adoreront les dragons, les habitants de la terre. Ils adoreront les dragons parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. Ils adorèrent la bête en disant, qui est semblable à la bête et qui peut combattre contre elle? Et il lui fit donner une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes. Et il lui fit donner le pouvoir d'agir pendant 40 mois. C'est la dernière moitié de 70 semaines de l'année. 40 mois de méchanceté, de bestialité. Pour commettre des choses de plus abominables sur la terre. Du sang sera versé. Des crimes seront commis. Et il ouvrit la bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu et pour blasphémer son nom, son tabernacle et ceux qui habitent dans le ciel. Et il lui fit donner de faire la guerre aux saints et de le vaincre pendant les 40 mois là. Mm-hmm. Et il lui fit donner l'autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. Le pape en fonction fera ça. Pas il va de... dominer sur toute tribu, toute langue, tout peuple. Bato basambela ki dala kona mpoete ye apesa ki nguya na nyama mpe basambela ki nyama koloba ete nani akokani na nyama nani akoki kobuna na na ye munokona kosolola kama kambo minene na bituke li epesa mi na ye bokonzi mpe epesa mi na ye mpona kosala kamisala kosala kamisala sanza tuku minei na mibale wana nde eteni ya mibale ya posa yango ya tuku sambo na Daniele azipoli monoko na ye na kotuka kanzambe mpe atuki kombo na ye na evandelo na ye mpe ba oyo bavandi kati na likolo nguye epesami na ye na kobuna na ye tumba na bapeti mpe koleka bango bokonzi mpe epesami na ye liboso na mikili nyonso na bibolo nyonso na minoko nyonso na mabota nyonso. Amen. Ezali bongo. Oh, quand vous voyez bien ce que dit le verset 7, hein? Il lui fit donner de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Si vous arrêtez, vous retournez dans Apocalypse 11. Et vous remarquez ce qui est dit au verset 7. Au sujet des deux témoins, les deux oliviers. Quand ils ont achevé leur témoignage, la bête qui monte de l'abîme, de la mer, la même bête qui est mentionnée au chapitre 13, l'heure fera la guerre, les vaincra et les tuera. Wana ekosili sabango litatoli na bango nyama oyo akobutaka na libulu na bozindo akobunana kana bango etumba akolekaka bango mpe akoboma bango. Et vous là? Vous allez wana? Il aura réussi à tuer les deux témoins. Akolonga akoboma batatoli mpe. Tel que la prophétie le prévoit. Il réussira pareillement à martyriser les 144,000. Tous passeront par le martyr. Mais attention, les 144 000 ressusciteront avant le règne des mille ans. Ils seront avec vous et moi au millénium. Particularité, la résurrection des morts en Christ se fait avant l'enlèvement, mais les Juifs, je vous ai dit, ne seront pas enlevés, excepté les deux témoins. Ce sont les deux témoins qui seront enlevés après l'enlèvement de l'Église. Mais les 144,000 ne seront pas enlevés. Au moins, ils seront martyrisés, mais ils vont être ramenés à la vie pour entrer dans le règne de 1000 ans avec l'épouse. Zokande ba oyo balalito ba kufikati na Kristo. Ba kosekwa liboso na koneto la. Suki koneto la mesalami. Wana sikoyo liboso ya kokota na bokonzi oyo ya nkoto moko. Na bongo bankoto mukama 14 oyo bakobunda na bitumba oyo ya Malkedon bango nyonso bakoboma bango kasi Nzambe akusunga bango ete liboso to banda bokonzi ya nkoto moko bakosekwa po ete bazala na biso elongo kati na bokonzi yango. Leur résurrection de 144,000 n'est pas dans 1 Samuel 4 parce que là c'est l'église épouse des nations, mais leur résurrection est dans Apocalypse 20 verset 4. Ete kosekwa oyo ya nkoto mukama 14 ezali te na mukanda ya Thessalonique mukapo minei kasi yango ezali le kati na emoniseli mukapo ya totanga. Et je vis des trônes, ça c'est à l'installation, à l'introduction du règne de Milan. Il y a des trônes. Wana ezali na kobandisama na bokonzi ya nkoto moko. Il y a ceux qui s'y assirent, fit donner le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête, ni son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front, ni sur leurs mains, ils revinrent à la vie, et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Na mwana kikati, na bokonzi mingi, mpe, ba oyo, ba vandi na yango, mpe nguya na kosambi sa ipe seme na bango. Na mwani mpe, milimu na bango basilinde kokata makingo mpona litatoli na Yesu mpe mpona liloba na Nzambe. Ba oyo baboyaki kosambela nyama na ekeko na ye mpe kokatama elembo na yango na bilongi na bango mpe na maboko na bango. Bazalaki na bomoi mpe bazalaki na bokonzi mbula nkoto esika moko na Kristo. Il est parlé des âmes qui avaient été décapitées. Balobi miala oyo babomamaki la tête coupée. cause du témoignage de Jésus et de la parole de Dieu. Parmi ceux-là figurent les 144 000 qui reviendront à la vie à l'introduction du millénium. Nous sommes d'accord avec la Bible. Poursuivons versets 5 et 6. Les autres morts ne reviendront point à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans soient accomplis. C'est la première résurrection. Donc dans la première résurrection, vous avez une résurrection en deux phases. Première phase, ce sont les morts en Christ qui ressuscitent pour se rendre aux vivants, qui sont en train d'attendre le retour de Christ comme un voleur et qui seront enlevés avec eux. Deuxième et dernière vague, c'est à l'introduction du millénium, plus de 7 ans après. Les 144 000 et d'autres saints de la tribulation reviendront à la vie et seront comptés dans la première résurrection. Bakufi oyo batikalaki bazalaki na bomo liboso na suka na mbula yango kotote oyo lisekwa na liboso awa ezali kota lisete ba oyo bakufi kati na Kristo bakosekwa nanu liboso na konetola maete basangana na bango bazali kozela kali konetola mana nkolo kwete banetola na konetola mana bango oyo bamususu bakosekwa ekozala na mbula sambo na sima kulobete na sima na makambo nyonso kosale mana kozala na lola liboso akobandisa mawa na bokonzi ya nkoto moko. Alors, verset 6, heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. Je voudrais être l'un d'eux. Amen. Tu voudras naturellement être l'un d'eux. N'attendez pas les tralala, les choses en longueur, la marche longue. Profitons de la première occasion. Profitez de la première occasion. Lèvez-vous tôt et figurez parmi les premiers. Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ, et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Awa babimi na liseko na liboso bazali na esengo. Mpe bazali basantu. Kufa na mibale ezali na nguya likolo na bango te kasi. Bakozala banganga na Nzambe mpe na Kristo. Bakozala bakonzi esika moko na ye mbula nkoto. Ka Dieu soit béni. Nzambe apambolama. Batono pour le royaume de Dieu. Tobunda mpona bokonzi na Nzambe. Résistons à toutes les séductions. Combattons pour la foi restaurée. Nous couronnerons. Il y a de vraies récompenses pour ceux qui vaincront. Lève-nous pour la prière. La mort des dieux en est de loin si grand que l'angoisse en est peuple dit. Oui, il va plus loin. Que la plus haute étoile, il atteint le même plus bas enfer, coupable. Oui, chantons sur les fardeaux, amen, que l'on a sans prix. Oh, maître, il est aussi brillant, sans plus temporaire. Où tu as rafraîchi nos cœurs avec ton merveilleux plan, tant pour Israël que pour les nations, autour de la guerre de Magadan, pour affirmer ce que tu nous as donné et faire comprendre comment cette bataille commencera. Nous avons confiance que tu es l'enseignant personnel de chacun pour expliquer ce que les mots à la chair n'ont pas pu fournir et donner une compréhension profonde qui produira la piété, la crainte de Dieu, la soif du Seigneur, la soif du royaume de Dieu, la recherche de la sainte face de Dieu. Pour devenir agréable à toi, pour devenir semblable à Jésus-Christ, quand ce monde n'a pas d'autre à bénir, à part ce que toi Dieu t'y a prévu. Ne nous laisse pas nous confier aux futilités, ni gaspiller du temps précieux. Laisse-nous chercher ton royaume. Laisse-nous chercher les choses éternelles. Laisse-nous nous appuyer sur ton bras éternel. Que chacun marche dans la crainte de Dieu, dans l'obéissance à la vérité. Dieu est capable de nous changer. Nous avons prié de traiter avec chacun, avec chacun. Nous avons confiance que tu as fait quelque chose pour que chacun cherche ta face. Cherche le salut. Cherche le royaume de Dieu. Arrête de rêver. Car tout ce que nous sommes en train de vivre ici ne sont que des préparatifs des grands événements à venir, où il y aura un bouleversement complet, où le monde changera totalement et la gouvernance même changera. Christ deviendra le roi de toute la terre et tu seras avec les tiens. Pendant qu'il est temps, laisse-nous croire l'évangile, laisse-nous chercher ta face, laisse-nous prier beaucoup, prier sans cesse, laisse-nous Seigneur nous repentir et ne pas nous confier dans ce qui est éphémère, les idées et les sciences des hommes. Nous voulons nous confier dans ta grande connaissance, dans ton grand pouvoir, Seigneur. Aide chacun à s'aligner à l'évangile. Au nom de Jésus-Christ, nous te prions. Amen. Veuillez vous asseoir. Et là, que Dieu vous bénisse.